franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. On a appelé ça le syndrome du périscope. Une véritable hantise qui a tenu en haleine des centaines de milliers de Suédois, et peut-être même plus, pendant plus de 10 ans. Car ces périscopes de sous-marins semblaient être partout, au large et au milieu de ces nombreux chapelets d'îles qui bordent les côtes suédoises. Des périscopes dont chacun s'accordait, à commencer par l'état-major de la marine, à dire ou à penser qu'ils appartenaient à des sous-marins russes. La Russie, l'ennemi historique, toujours soupçonné de vouloir envahir le royaume. À partir du début des années 80, l'affaire est peu à peu montée en puissance. Une brochure spéciale diffusée par le ministère de la Défense, intitulée « Nos invités sans invitation », a même exhorté les citoyens suédois à surveiller les côtes et à dénoncer au plus vite tout sous-marin suspect. Des centaines d'observations ont donc été recueillies. La marine suédoise a mobilisé ses forces pour traquer les submersibles indésirables. En vain. Et le mystère de la nationalité des intrus n'est officiellement toujours pas dissipé. Peut-être parmi vous, ceux qui sont des lecteurs du grand romancier suédois Henning Mankell, ont-ils reconnu là le thème autour duquel l'écrivain a tissé son avant-dernier livre « L'homme inquiet ». Une intrigue romanesque, certes, mais qui, selon M. X, colle au plus près de la réalité suédoise. Une observation d'abord. La Suède, elle le proclame fièrement, est un pays neutre. Mais seulement en principe. Et je ne parle même pas de l'attitude douteuse des dirigeants suédois pendant la Seconde Guerre mondiale qui, tout en déclarant leur volonté de se tenir en dehors du conflit, n'ont jamais refusé de livrer à l'Allemagne nazie des matériaux stratégiques. Ouais. Ben, ils ont ainsi échappé à l'invasion de leur pays, quand même. C'est vrai, mais enfin, à quel prix moral. Non, je parle de la guerre froide qui a suivi. Si officiellement la Suède s'est tenue à mi-distance du camp de l'Ouest et de celui de l'Est, elle a dans les faits coopéré secrètement avec l'OTAN. En quoi, c'est une attitude hypocrite ? Je le pense, oui. Mais il faut aussi tenir compte de la position géographique de la Suède. Très, très proche de la Russie. Et baignée par une mer, la Baltique, qui permettait aux marines de l'URSS, de ces pays satellites, de naviguer vers l'Ouest. C'est pourquoi, en dépit de la neutralité affichée de la Suède, on a pu évoquer une alliance cachée avec l'Occident. Cachée, mais quelles preuves pouvez-vous apporter ? Oh, elles sont nombreuses. Dans l'hypothèse d'un conflit entre les deux camps, la Suède avait construit des bases aériennes susceptibles d'accueillir les bombardiers lourds de l'OTAN. D'ailleurs, l'état-major suédois avait pris soin de se doter d'un système de reconnaissance compatible avec celui des forces de l'Alliance Atlantique. Et d'autre part, la police secrète avait conduit une politique de fichage systématique des citoyens réputés proches de l'idéologie communiste. Et ces gens-là ont été éloignés des industries de l'armement. Oui, et des industries qui étaient très prospères en Suède. Et qui, grâce à cette discrimination, bénéficiaient de la coopération technologique des États-Unis. Enfin, et j'en aurais terminé, on sait aujourd'hui que les services de renseignement suédois ont organisé des missions d'espionnage de l'autre côté du rideau de fer. Alors maintenant, voyons les faits. Tout commence en 1980. Cette année-là, la marine suédoise détecte une double intrusion de sous-marins étrangers, près de 2 de ses bases navales. Donc à l'intérieur des eaux territoriales. Oui, les experts suédois affirment que les 2 sous-marins étaient de la classe Whiskey, selon la classification de l'OTAN, c'est-à-dire des submersibles en service dans les marines soviétiques et polonaises. Mais comment peuvent-ils en être aussi sûrs ? Vous savez sans doute que les sous-marins peuvent être identifiés grâce à leurs empreintes sonores. Oui, le bruit de leurs hélices, quoi. Une signature très caractéristique pour chaque type de navire. Et à l'époque, là, les Suédois ont-ils réagi ? Un destroyer a poursuivi l'un des bâtiments. Il a même lancé une grenade anti-sous-marine pour l'obliger à faire surface. Mais le submersible a réussi à fuir. Ici, il faut tout de suite dire qu'en Suède, même, cette information a fait sourire. Les journaux ont même parlé de sous-marins budgétaires. Budgétaires, c'est-à-dire ? La marine aurait pu inventer cette double intrusion de sous-marins fantômes pour obtenir une augmentation de son budget. Oui, ça s'est vu dans d'autres armées. Ça est votre avis ? Très franchement, je n'en sais rien. Mais un an plus tard, en octobre 1981, un pêcheur repère un vrai sous-marin soviétique échoué sur des rochers à seulement 1 000 nautiques d'une base suédoise. Ah, et là, il peut y avoir de doute, alors. Et le gouvernement suédois, tout en exprimant haut et fort son indignation, ordonne de boucler le secteur afin d'empêcher la flotte soviétique de venir au secours de son sous-marin échoué, appartenant lui aussi à la classe Whiskey. Ouais. Cette opération avait déjà commencé ? En effet. Et les navires soviétiques ont dû battre en retraite. En même temps, l'ambassadeur de Moscou à Stockholm a présenté officiellement ses excuses. Ouais. Ça ne suffit pas quand même. Il faut expliquer aussi pourquoi et justifier cette intrusion. Bien entendu. Et c'est le commandant du sous-marin qui va être à la manœuvre. Transféré sur un bâtiment suédois, il soutient qu'en mission de routine dans la Baltique, il a dévié de son itinéraire à la suite du mauvais fonctionnement des instruments de navigation de son sous-marin. C'est crédible ? Pourquoi pas ? Il est vrai que les éléments de la flotte soviétique venus à son secours l'ont cherché dans un secteur où il ne se trouvait pas. Et donc le commandant aurait pu être réellement abusé par ses instruments. C'est une possibilité. En tout cas, reconnaissant la faute commise, les autorités de Moscou ont accepté de verser une compensation financière au gouvernement de Stockholm. J'ajoute, mais c'est anecdotique, que la mésaventure a beaucoup fait rire dans la presse suédoise où l'on n'a plus parlé que de Whiskey on the Rocks. C'est amusant, ça. Quoi qu'il en soit, l'incident du Whiskey on the Rocks va faire des petits. Ah que voulez-vous dire, là ? En 1982, on semble assister à une véritable pullulation de sous-marins dans les eaux territoriales de la Suède. Et ce sont souvent des civils qui repèrent ces périscopes qui apparaissent un peu partout. Pour chasser, les bâtiments auxquels ils appartiennent disparaissent aussitôt. Alors, des exemples. En juin 1982, la marine et l'aviation suédoise bloquent l'accès au golfe de Botnia, dans le nord de la Baltique, pour empêcher un sous-marin non identifié de s'échapper. Et on emploie les grands moyens. Quels moyens ? Des hélicoptères lancent des grenades sous-marines, mais la chasse échoue. Pire, un deuxième submersible en aurait profité pour fuir. En août, nouvelle alerte et nouvel échec. Puis encore plus important, il faut noter l'incident de Hårsfjärden, près de Stockholm. Ça commence en septembre 82, ça va durer jusqu'en octobre. La marine annonce le lancement d'une opération de recherche pour localiser un sous-marin étranger. Est-ce que cette présence est avérée ? En tout cas, elle est confirmée par des observations de civils qui affirment avoir repéré un ou plusieurs périscopes près de la côte. Et la marine déclare que la présence de l'intrus a été repérée par un détecteur d'anomalies magnétiques. Autre indice intéressant, un avion de patrouilles soviétiques survolent le secteur. Peut-être pour essayer d'entrer en contact avec le sous-marin. C'est possible. Mm-hmm. La marine suédoise met le paquet et mobilise 40 bâtiments et 10 hélicoptères. Et le 6 octobre, elle annonce qu'elle a pris au piège ce qu'elle pense être un sous-marin soviétique. Au piège, ça veut dire quoi ça ? Le submersible est coincé dans d'étroits chenaux et ne pourra donc s'échapper. Et pour le forcer à faire surface, les hélicoptères le bombardent à l'aide de plusieurs grenades sous-marines. Une mine de 600 kilos est même utilisée. Mais il se produit soudain un vrai coup de théâtre. Dans la soirée du 13 octobre, le chef d'état-major de l'armée suédoise, le vice-amiral Bror Stefansson, ordonne un cessez-le-feu de 5 heures. Pour quelle raison, non ? Officiellement, il s'agit d'assurer la protection des pêcheurs et marins qui auraient pu pénétrer dans ce secteur durant la nuit. Et deux jours plus tard, l'état-major doit avouer que le sous-marin recherché s'est sans doute échappé. Toutefois, un deuxième intrus est détecté. Nouveau grenadage et nouveau constat d'échec. Décidément. Mais on peut imaginer que le sous-marin a profité de cette pause de 5 heures pour se sauver. Et c'est effectivement la première idée qui vient à l'esprit. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, on décide l'interruption des recherches de la marine suédoise qui durait depuis 3 semaines. Toutefois, quelques observateurs perspicaces relèvent une coïncidence. Les 26 et 27 septembre, une importante force maritime états-unienne a accosté dans le port de Stockholm. Oui, d'accord, mais quel pourrait être le rapport entre la chasse aux sous-marins inconnus et cette arrivée ? Ben, la suite de cette histoire, vous l'apprendrez peut-être. Rendez-vous avec X. La Suède et l'OTAN. Dans son roman « L'homme inquiet », Mankell raconte l'enquête de son personnage principal, Wallander, qui recherche Håkan, un commandant de la marine suédoise qui a disparu. L'inspecteur rencontre un ami américain de cet officier extrait. Nous avions le même âge, Håkan et moi. Nous étions tous deux des enfants de la guerre froide. J'avais 23 ans quand les Russes ont lancé leur Spoutnik. J'étais terrifié, je m'en souviens, à l'idée qu'ils puissent être en mesure de nous dépasser. Håkan m'a dit un jour avoir vécu la même chose, bien que de façon moins intense. Les Russes n'étaient pas tout à fait les mêmes monstres pour lui que pour moi. Quoi qu'il en soit, cette époque nous a marqués. Je sais que Håkan n'a jamais accepté que la Suède n'intègre pas l'OTAN pour lui. Votre neutralité incarnait non seulement une erreur de jugement catastrophique et dangereuse, mais aussi une pure hypocrisie. Nous étions dans le même camp. La Suède, quoi qu'en disent les politiciens du haut de leur tribune, n'existe pas dans un no man's land où l'on peut se permettre d'être impartial. Bah, tout ça, vous en conviendrez, est loin de redorer le blason de la marine suédoise. Et le gouvernement décide la création d'une commission d'enquête. Et elle rend ses conclusions en 1983 en s'appuyant sur un rapport du ministère de la Défense. 6 sous-marins appartenant à un ou plusieurs pays du pacte de Varsovie auraient pénétré dans un secteur situé à proximité de la base sous-marine de Muskö. 3 sous-marins de type Whisky, plus 3 sous-marins de poche d'un nouveau genre, dont l'un aurait utilisé des chenilles pour se déplacer sur le fond et dont les traces ont été découvertes. Oui, mais là, ça, ce sont des constatations. Ça n'explique pas pourquoi la marine suédoise a échoué. Là, je suis d'accord. Sur ce point, les militaires restent très discrets. Et ils se rattrapent en émettant une hypothèse. Ces violations à répétition des eaux territoriales suédoises par les soviétiques et leurs satellites procéderaient de la volonté de Moscou de recueillir des informations sur les défenses côtières et maritimes. Oui, mais dans quel but alors ? Préparer l'invasion de la Suède et de la Norvège en cas de guerre ouest-est. Une invasion qui permettrait aux soviétiques de contrôler les routes maritimes qui traversent la Baltique. Mmh. Et concrètement alors, quelles mesures sont prises ? Le gouvernement suédois est alors dirigé par le social-démocrate Olof Palme. Ce rapport le plonge dans une grande fureur. Et il déclare qu'à l'avenir, le gouvernement suédois donnera l'ordre à ses forces armées de couler les intrus. Et pas seulement, donc, d'essayer de les capturer. Et ça va changer quelque chose ? Ah, pas vraiment, non. Les intrusions se multiplient encore en 1983. 25 jugées certaines et 38 probables. Et à chaque fois, notez-le bien, Moscou dément vigoureusement. En tout cas, ça ne doit pas améliorer les relations entre les deux capitales. Bah, forcément, la tension monte et les échanges diplomatiques deviennent de plus en plus aigres. En mai 83, Olof Palme rappelle même temporairement son ambassadeur à Moscou et annonce une réduction des visites officielles entre les deux pays. Mais le Kremlin rejette officiellement les protestations formelles de Stockholm. Ouais, ça, c'est une attitude relativement habituelle. Hein. A priori, dans ce genre de situation, Moscou nie toujours. C'est vrai. Plus surprenant, c'est ce qui se passe en Suède. Le pays, mais aussi les autorités, semblent atteints de paranoïa aiguë. À tel point que début juillet, de nouvelles règles d'engagement permettent à la marine suédoise une plus grande latitude pour lutter contre les intrus. Mais quand vous parlez de paranoïa, là... Bah, la chasse au périscope est devenue une sorte de sport national. Et quelques plaisantins en profitent. Par exemple, un périscope suspect repéré sur la côte nord-est de la Suède s'avère être un tuyau d'égout planté par un farceur sur un haut fond. Et ça continue en 1984, l'année suivante, avec un élément nouveau toutefois. Et quoi ? Ben, on ne parle plus simplement de sous-marins, mais de plongeurs inconnus qui auraient été ainsi repérés. 3 de ces hommes grenouilles auraient été vus en sortant de l'eau sur la petite île d'Almeu. Une cachette de vivres y aurait été trouvée. On va essayer en vain, d'ailleurs, de retrouver ces hommes pendant plusieurs semaines. Oui, mais comme vous avez employé le conditionnel, peut-être que ces plongeurs n'ont pas réellement existé. Je n'en sais rien. À peu près. En même temps, en février-mars, on assiste à une répétition de l'infructueuse chasse aux sous-marins qui a eu lieu en 1982 près de la base navale de Karlskrona. Une fois encore, la zone est verrouillée. Mais toujours sur ordre du même vice-amiral Bror Stephenson, le chenal est provisoirement dégagé. Mais pour quelle raison cette fois-ci hein? Il s'agit de laisser passer un navire marchand. Et comme 2 ans plus tôt, le sous-marin peut disparaître à cette occasion. Ouais, ça semble étrange. Hein. Et même franchement un peu louche. Je partage votre suspicion. Et l'on en reparlera. En tout cas, en cette année 84, on rapporte 60 intrusions, dont 36 sont jugées par la marine avérées ou probables. Et ensuite, ça continue ? En mai 1986, d'autres incidents majeurs déclenchent des recherches dans l'archipel de Stockholm. La marine tire plus de 30 charges de profondeur et 60 grenades sont lancées contre de supposés sous-marins classiques ou de poche. Mais de guerre lasse, à partir de 1987, la Suède décide d'interrompre la publication des statistiques au sujet des intrusions sous-marines. La peur du ridicule. Sans doute, mais si la marine est muette, la presse, elle, continue à rapporter des incidents, en particulier en mai et juin 1988, où les bâtiments de guerre suédois emploient plusieurs dizaines de charges de profondeur. Toujours sans succès. Toujours, oui, mais plusieurs appareils de plongée sont récupérés. Cependant, officiellement, les autorités se déclarent incapables de pouvoir déterminer l'origine de ces matériels. Ça, j'ai du mal à y croire. Oui, entièrement d'accord. Et depuis le début, on a l'impression que la marine suédoise et ses chefs ne jouent pas franc jeu. Et ici, je dois ajouter que les informations qui viennent de toutes parts ajoutent à la confusion. Mais ce n'est sans doute pas un hasard. Exemple, en 1988... Un diplomate soviétique s'entretient anonymement avec un journaliste suédois. Selon lui, les sous-marins de son pays glanaient des informations dans la Baltique, car Moscou ne croyait pas à la neutralité suédoise et soupçonnait Stockholm de se ranger très vite du côté de l'OTAN, si un conflit survenait dans la région. Ouais, ce qui, d'après ce que vous m'avez dit, était vraisemblable. À l'appui de cette thèse, plusieurs think tanks, états-uniens conservateurs, comme la Rand Corporation, affirmait qu'il ne faisait aucun doute que les intrus étaient soviétiques. Et après l'implosion de l'URSS, des sous-mariniers russes de la Baltique ont prétendu avoir participé à des opérations à l'intérieur des zones territoriales étrangères. Ouais, dont celle de la Suède, par conséquent. Mmh. Et tous ces témoignages vont donc dans le même sens. Non, donc, car parallèlement, des officiers de la marine russe ont au contraire déclaré que les ordres stricts qu'ils avaient reçus leur interdisaient de s'approcher des côtes suédoises. Enfin, contredisant ces derniers témoignages, un responsable de la marine suédoise a affirmé que des unités Spetsnaz... C'était les forces spéciales soviétiques. Commandos venus à bord de chalutiers auraient mené des opérations de reconnaissance en vue d'élaborer des plans pour neutraliser les bases navales, les stations radars et les infrastructures de communication de la Suède. Alors qu'y croire ? Attendez la suite. Car la fin de l'Empire russe semble ne pas mettre fin à l'épidémie de périscope. En septembre 1992, la marine suédoise repère un objet sous-marin non identifié au sud de Stockholm. Un mystérieux submersible qui s'approche de la côte et disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Le 18 septembre 1992, le journal Libération rend compte de ce dernier incident et sous la plume de Lorraine Milliot, je lis ceci. La mort de l'Union soviétique n'a, de toute évidence, pas suffi à décrisper les relations de voisinage autour de la Baltique. Depuis un an, officiels russes et suédois se sont retrouvés à plusieurs reprises pour discuter de ces incursions sous-marines, se félicite-t-on à Stockholm avant de déchanter. Ce dialogue est nouveau, mais il n'a encore rien donné. Les Russes refusent toujours d'admettre qu'ils se promènent régulièrement dans les eaux suédoises, regrette un diplomate suédois. Méfiante, la Suède a d'ailleurs annoncé en juin un notable accroissement de son budget de défense, chapitre détection sous-marine inclus. Les rapports entre la Suède et la Russie demeurent donc toujours très tendus. En mai 1994, le premier ministre suédois Carl Bildt, se fondant sur les analyses de ses militaires, écrit une lettre à Boris Eltsine pour le sommer de ne plus envoyer de sous-marins dans l'archipel de Stockholm. Il est donc persuadé que les intrus sont russes. Oui, mais de façon assez curieuse, il croit que ces opérations d'espionnage naval sont le fait de différents groupes d'agents secrets issus de l'ex-URSS. Mais qui ne seraient pas contrôlés par Moscou. C'est ça. Et Bildt le propose à Eltsine de l'aider financièrement à mettre fin à ces manœuvres. Réponse de Boris Eltsine. Son refus est cinglant. Et cet épisode assez saugrenu a valu à Bildt d'être sérieusement malmené par les parlementaires suédois. Cependant, les choses ne pouvaient en rester là. Et on n'avait pas encore atteint le comble du ridicule. Expliquez-moi. En 1995, les sociaux-démocrates, revenus au pouvoir, décident la constitution d'une nouvelle commission d'enquête chargée de faire la lumière sur toutes les intrusions constatées depuis 1980. Et l'une de ses premières conclusions est tout simplement époustouflante. En étudiant les signaux enregistrés en 1992 par le très sophistiqué réseau d'hydrophones installé sur des bouées flottantes, les experts découvrent que les bruits des hélices de sous-marins peuvent être confondus avec les chuchotements de visons aquatiques. Ils produisent les mêmes échos sur les enregistreurs. Mais c'est une plaisanterie. Hein. Pas du tout. En tout cas, c'est Boris Eltsine qui a dû bien rire, non ? Oui, ça, on peut le supposer. Mais ce n'est pas terminé. Toujours en 1995, un groupe est formé rassemblant d'éminents intellectuels, des juristes, des diplomates et des experts militaires. Et ces gens veulent savoir. Pendant un an, ils compulsent les archives, enquêtent en Suède, mais aussi en Russie et dans les pays de l'OTAN. Et ils finissent par publier un épais rapport plutôt embarrassant pour les autorités suédoises. Embarrassant, racontez-le. Selon eux, il n'existe pas une seule preuve, ni enregistrement de signaux radio, ni photos qui permettent de dire que les sous-marins ont existé, et encore moins qu'ils étaient russes. Quant aux traces relevées au fond de la mer, elles ressemblent fort à celles laissées par les ancres de gros navires. Mais c'est une vraie mise en cause de la marine suédoise. Bien sûr. D'autant que les membres de ce groupe d'enquêteurs relèvent que les militaires suédois n'ont pas accepté de communiquer les soi-disant preuves qu'ils avaient recueillies. Ouais, comme s'ils avaient quelque chose à cacher, quoi. Et toujours dans le même rapport, un ancien ministre des Affaires étrangères déplore que cette affaire des prétendus sous-marins ait largement entaché les relations de la Suède avec l'ex-URSS. Mais un ancien chef des armées va encore plus loin. Il met ouvertement en doute l'existence même des submersibles. Et il donne son explication. C'était une campagne organisée par certains officiers de la marine qui se croyaient en guerre contre l'URSS, soupçonnant le gouvernement social-démocrate d'Olof Palme d'être crypto-communiste. Et ils auraient monté toute cette affaire pour lui nuire. Et le forcer donc à être plus ferme vis-à-vis du camp de l'Est. Mais les Suédois ne sont pas encore au bout de leur surprise. Coup sur coup, un ancien Premier ministre déclare que les autorités suédoises n'auraient jamais dû accuser l'URSS tant les preuves étaient minces. Puis, c'est un ex-ministre de la Défense qui affirme tout de go qu'il n'est pas impossible que les intrus aient été les bâtiments de l'Alliance Atlantique. Ça change tout, ça. Mais alors, quels auraient été leurs objectifs ? La réponse va venir en mars 2000, de la bouche même de l'ancien secrétaire d'État à la Défense de Ronald Reagan, Caspar Weinberger. Et son intervention à la télévision suédoise constitue un vrai coup de théâtre. Je vous explique. Tout a commencé avec la mésaventure du sous-marin soviétique qui s'est échoué en 1980. Ouais, le fameux Whiskey on the Rocks. Oui. Les dirigeants de l'OTAN s'inquiètent. La défense des côtes suédoises semble vraiment trop perméable puisque le submersible a pu pénétrer très près de la côte et d'installations navales sensibles. Il est donc décidé de tester les systèmes de défense suédois afin de savoir si la Suède pourrait efficacement faire face à une attaque des forces du pacte de Varsovie. Ouais. D'où l'envoi clandestin de sous-marins de l'OTAN dans les eaux territoriales de la Suède. Exactement. Des bâtiments qui n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour se dissimuler, car il fallait obliger le gouvernement suédois à renforcer son système de défense. Oui, en multipliant donc les intrusions. Et oui, et donc en prouvant expérimentalement la vulnérabilité des côtes suédoises. Ici est bien sûr ajoutée toute une campagne de désinformation visant à faire croire que les intrus venaient de l'Est. Oui. Et les sous-marins, alors, étaient américains ? Ah bah pas seulement. La marine britannique a aussi participé à l'opération. Un détail important aurait pourtant dû alerter les observateurs. À plusieurs reprises, ces intrus, sans vraiment faire surface, ont montré leur kiosque. Bah, comportement curieux pour des bâtiments espions. Hein. Ce qui prouve qu'on ne se trouvait pas en présence de submersibles soviétiques. Or, pour des spécialistes de la marine, il n'était pas possible de les confondre avec des sous-marins soviétiques, car la forme des kiosques américains n'est pas semblable à celle des submersibles soviétiques. Ça veut dire que ces spécialistes n'ont pas voulu dire qu'il s'agissait de sous-marins de l'Ouest. Comme ils n'ont pas non plus avoué que les échos des hélices qu'ils ont enregistrés ne correspondaient pas à la signature des bâtiments soviétiques. Ouais. Il faut donc croire que les opérations d'intrusion ont été effectuées avec la complicité de certains chefs de la marine suédoise. Ouais, bah c'est exactement ce que je voulais vous dire. Au plus haut niveau de l'état-major, on avait été informé, bien mais, sûr. Oui, mais on a menti au gouvernement, là. C'est ce que je crois. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de la curieuse attitude de ce vice-amiral suédois qui, à deux reprises, a demandé la cessation temporaire du bouclage dans les eaux de Hochfjaden. C'était évidemment pour permettre aux sous-marins américains de filer en toute sécurité. Parce que vice-amiral, lui, connaissait la nationalité du bâtiment pris au piège. Évidemment. Et c'est une forme de trahison, non ? C'est ce qui apparaît clairement. Il existait alors dans l'armée, et plus particulièrement dans la marine, un certain nombre d'officiers très anticommunistes qui désapprouvaient la neutralité suédoise et qui étaient donc prêts à tout faire pour que leur pays rejoigne l'Alliance Atlantique. Une chose m'étonne, moi, malgré la complicité de quelques hauts gradés de l'état-major suédois, mais les équipages de ces sous-marins de l'Ouest ont quand même pris de sacrés risques. Hein. Ouais, vous avez raison, car les grenades qui ont été lancées n'étaient pas chargées à blanc. D'ailleurs, on a failli frôler la catastrophe en 1982, toujours à Hochfjaden, à la suite d'un grenadage particulièrement violent, une substance jaune est montée en surface. Mais qu'est-ce que c'était, ça ? Ben, cette substance, recueillie par les marins suédois, était en tout point semblable à la teinture utilisée par les sous-mariniers états-uniens pour signaler aux avions et aux satellites une avarie. Ouais. Alors ce sous-marin a donc été touché ? C'est certain, mais il a quand même réussi à s'échapper. Mais tout cela a été couvert par le secret défense. Mieux, des documents faisant état de cet incident ont été détruits dans les archives de la marine suédoise. Bon, un dernier mot, si vous le voulez bien. Je vous écoute, ouais. La Suède, bien heureusement, en a fini avec le syndrome du périscope. Mais sa peur de la Russie, elle, n'a pas disparu. Et la récente construction du gazoduc russe, Nord Stream, qui traverse la Baltique, inquiète beaucoup les Suédois. Oui, à cause des risques de pollution. Oui, mais aussi parce qu'ils craignent que les installations des Russes ne dissimulent des systèmes d'espionnage. Je vous signale la récente parution aux éditions Nouveau Monde d'un livre passionnant et très documenté sur, entre autres, ces incursions de sous-marins, guerre froide, espionnage naval. Ces références, comme d'habitude, sur franceinter.fr. Enfin, je serai aujourd'hui à Cognac, au Salon de la littérature européenne, et demain au premier Salon du roman historique à Levallois-Perret, avec, entre autres, les livres de Monsieur X, coédités par France Inter. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Stéphane Combe et mise en musique par Monsieur Joub. Tout de suite, après le flash, de la verdure, c'est au de mon amour de Denis Chessou.